Alors non, comment ça va? Bien ou toujours? Ça va, toi? Bah écoute, ouais, toujours. Toujours tu rap, tout bien, ouais, ça se passe, toujours. Tranquille. Bah écoute, mon pote, j'arrive là. Comment? J'arrive à l'heure où le hip-hop devient dur. À l'heure où pour une traque dans les bacs, c'est la violence à l'état pur. J'arrive là, il rap slash claque sec. J'arrive avec ma bande de Hussein et des belles casselles. J'arrive au stud 2005, j'carbure au mazout. J'fais ma zig, c'est magique, mets ta jupe que j't'la foute. J'arrive ici et c'est la jungle, y'a déjà des gars qui gèrent. On veut pas mélanger le jeune, à ce qui paraît ça gêne. J'arrive tout doucement et j'mets ma touche, ouais. Tout doucement, laisse-moi faire si t'as trop la frousse. J'arrive comme dans un gang, j'pose mes couilles et j't'appelle ma poule. Qu'est-ce qu'il y a alors? Fais cramer la foule. J'arrive sur beat lourd, faut que tu le sentes vivre. J'arrive au sommet de la tour, une descente en chute libre. J'ai mis à chaque clic une éthique, à chaque clic j'veux que tu flippes. Sur chaque titre, souviens-toi de ce type. J'arrive et j'dose pas, j'mets ma frappe et j'bosse tard. J't'accosterai pas mon pote, tu prends trop pour une star. Ici, intro imbécile, on sortira à B6. Rien n'est impossible quand c'est toi qui décides. J'arrive trop tard, la mode a trop fait de pédé dans la ville. Le monde devient une pute sur un trottoir de charco et débile. Tu sais pas que l'homme a trop de choses à dire, mais quand un seul or l'ouvre, tu peux plus mentir. J'arrive et j'm'implique, j'suis le gars qui s'invite. Quand j'suis sûr, tu es sick, c'est ma rime qui m'indique. C'est du non-or sur un sale titre et du non-or qui s'applique comme un sale titre. J'arrive et j'm'implique, j'suis le gars qui s'invite. Quand j'suis sûr, tu es sick, c'est ma rime qui m'indique. C'est du non-or sur un sale titre et du non-or qui s'applique comme un sale type. Trop de choses de plus en plus lourdes, trop de sauces se séparent, trop de sommes, trop de détours. Trop de femmes rendent fous les gars, trop informe la poule à gare. Trop se saoule, trop de blablabla. J'arrive et je vois que certains font des efforts pour rien. La jeunesse a trop de vie, c'est amoral, ils s'en battent les reins. J'arrive d'une ville où ça se frite pour un Gucci. Ça tire pour un Gucci, ça tue pour des soucis. Les jeunes volent sans cause, dépensent leurs sous dans les maisons closes. En graines sarcose, à rajouter des clauses. J'arrive où l'illégalité émane du sol, où les trafics et les caps bourrés de fric, où ça deal dans les halls. J'arrive et je vois les fachos à la fenêtre. Je vois les regards qui se reflètent. Je vois des victoires mais aussi des défaites. Je vois que les rumeurs fusent vite. De plus en plus de fils de pute, de suspits, de gars qui n'aimeront pas ce titre. J'arrive et j'estime que le rap est dans strip, que les vieilles choses remontent dans la côte comme l'Austin. Y'a pas de lézard, j'arrive et je vous teste. Qu'est-ce qu'il y a? Mon rap un trésor sur Transat, il fréquente pas. J'arrive et je m'implique, je suis le gars qui s'invite. Quand je suis sûr, tu es sick, c'est ma rime qui m'indique. C'est du non-or sur un sale titre et du non-or qui s'applique comme un sale titre. J'arrive et je m'implique, je suis le gars qui s'invite. Quand je suis sûr, tu es sick, c'est ma rime qui m'indique. C'est du non-or sur un sale titre et du non-or qui s'applique comme un sale type. J'suis le gars qui s'invite, hein, j'suis sûr tu es sick, c'est ma rime qui m'indique. C'est du non-or sur un sale titre et du non-or qui s'applique comme un sale titre. J'arrive et j'm'implique, j'suis le gars qui s'invite, hein, j'suis sûr tu es sick, c'est ma rime qui m'indique. C'est du non-or sur un sale titre et du non-or qui s'applique comme un sale titre. J'arrive et j'm'implique, j'suis le gars qui s'invite.